Les funérailles de Monsieur Kang Gi-sop, membre suppléant du comité central du Parti du Travail de Corée, député à l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée et directeur général de l'ère civile, se sont déroulées le 24 janvier à Pyongyang. Y ont figuré le sous-maréchal Fang Byung-sun, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et chef de la direction politique générale de l'armée populaire de Corée, des cadres intéressés et la famille du défunt. On a observé un moment de silence à la mémoire de Kang Gi-sop avant le départ du cortège funèbre. Les funérailles ont eu lieu au cimetière des martyrs patriotes de Simiri. Après l'oraison funèbre, les restes du défunt sont enterrés. La couronne mortuaire au nom du dirigeant suprême Kim Jong-un a été déposée devant le tombeau, suivie de celle au nom des organismes du parti et du pouvoir, et de diverses unités d'activité, y compris la direction générale de l'ère civile. On a observé un moment de silence à la mémoire du défunt.